peu ce que dit Mathias sur le comité de mobilisation. Je pense que ce qui est important, une fois qu'on a dit qu'on voulait mettre en place un comité de mobilisation, c'est de lui donner un mandat qui est précis, parce que juste un comité de mobilisation en soi, ça sert à rien. Ce que pourrait faire pour moi le comité de mobilisation, c'est de, un, créer une liste de diffusion, comme nous on a dans le collectif des précaires déjà, qui diffuse les rendez-vous de tractage, les AG, les manifs, etc. Ça, on pourrait le créer et ensuite on diffuserait le nom de la liste pour que tout le monde puisse s'inscrire. Deuxième chose à faire, c'est qu'il existe une page Facebook qui s'appelle Université Rouen en lutte, qui s'est écrit au tableau. Il y a déjà 1500 j'aime sur cette page, donc je pense que c'est intéressant de la garder déjà. Mais il faut que ce soit le comité de mobilisation qui se la réapproprie et qui s'en serve pour diffuser, pareil, les AG, les manifs, mais pas que, qui s'en serve comme un véritable vecteur de communication pour diffuser des informations sur la LPPR, sur la loi sur la réforme des retraites, sur l'assurance chômage, etc. Qu'on en fasse un véritable vecteur de communication et d'information pour tout le monde, à la fois à Rouen, mais peut-être aussi ailleurs, et que tout le monde puisse avoir accès aux informations facilement, sans avoir à passer par des tractages papier, etc. Troisième chose que ferait le comité de mobilisation, ce serait justement d'organiser le tractage sur le campus, trouver des gens disponibles par créneau de une heure, une demi-heure, dès que quelqu'un a un peu de temps, qui puisse dire « moi je serai là à telle heure », et comme ça il y a du monde tout le temps pour diffuser sur le campus les prochaines AG, les prochaines manifs. Et une chose qui serait possible aussi, ça serait de réquisitionner un amphi et que le comité de mob soit chargé d'organiser ce qu'on fait dans cet amphi. Alors pourquoi réquisitionner un amphi? Ils l'ont fait à Caen. Et c'est vrai qu'au départ, on peut se demander un peu à quoi ça sert. Et je trouvais que la manière dont ils l'utilisaient, c'était intéressant. On a parlé justement des cours alternatifs. On pourrait avoir l'amphi où on fait tous les cours alternatifs au même endroit. Comme ça, déjà, tout le monde sait où ont lieu les cours alternatifs et il n'y a pas de déperdition due à « je ne savais pas que c'était en Tillion », etc. Deuxième chose, ça serait un lieu où il y aurait tout le temps quelqu'un qui serait là, du comité de mobilisation ou autre, et qu'on pourrait aller voir pour discuter. Si on a du temps pour tracter, on va à l'amphi réquisitionner et on peut diffuser quelques tracts, etc., un quart d'heure, une demi-heure, etc. Et ça serait enfin un lieu où on pourrait faire nos banderoles tranquillement, en plus de faire nos AG, bien sûr. Donc, je soumets ça à la discussion. Je sais que parfois ça fait un peu, il y a des controverses sur cette réquisition d'amphi. Ça serait pas forcément absolument en laissant entrer personne d'autre, etc. Mais l'idée d'un lieu où on sait qu'on peut se retrouver facilement régulièrement. Voilà.